La comtesse Mina par André Theuriet. On causait de voyage et de villégiature. « Moi, dit notre ami Jacques, je suis allé revoir la forêt de Fontainebleau. Était-ce l'effet de l'extraordinaire sécheresse de cette horrible année? Ou bien, en vieillissant, suis-je devenu moins facile à l'enthousiasme? Je ne sais, mais dussé-je passer pour un philistin? Je suis forcé d'avouer que la royale forêt, où ne chantent ni les sources ni les oiseaux, n'a plus comme autrefois charmé mon cœur de forestier. En dépit de ses majestueux horizons, de ses monumentales futaies et de ses arbres historiques, elle m'a laissé froid. La main de l'homme l'a, à mon goût, un peu trop apprêtée et accommodée pour le plaisir des yeux. Les flèches bleues et rouges de Sylvain Duncourt s'y multiplient avec une agaçante complaisance. On y rencontre trop de buvettes en plein air aux endroits pittoresques, trop de bourgeois venus pour y déjeuner en pique-nique. Même en ses beautés, elle a quelque chose de romantiquement théâtral qui choque ceux qui aiment surtout dans la nature le recueillement, le mystère et l'inattendu. Combien je préfère à Fontainebleau l'intime forêt mouillée de Compiègne, avec ses profondes allées silencieuses, ses sources vives, ses haies vigoureuses, ses hameaux et ses étangs enclavés dans les bois. Je ne pensais pas ainsi aux environs de 1866, quand, dans Barbizon, non encore modernisé et embourgeoisé, je venais passer quelques jours de vacances avec les camarades qui travaillaient en forêt. Nous étions là une douzaine d'artistes et de poètes, logés dans une étroite auberge qui a disparu. Tous jeunes, amoureux de nature, d'art et de beaux vers, nous ne nous préoccupions que de gravir le plus vite possible le rude et chimérique escalier de la gloire, et comme dit la chanson de Robert Burns, nous sifflions sur le reste. De ces joyeux coureurs de bois, qui tenaient leurs assises sous les futaies du Babréau et dans les gorges d'Apremont, combien hélas manquent aujourd'hui à l'appel. Deux sont morts fous, un troisième dort dans le petit cimetière de Barbizon. Les événements de 1870 ont désagrégé et disséminé le reste de la bande. Mais en ce temps-là, tous étaient allègres, pleins de sève et de vivaces espérances. Chaque soleil d'après-midi nous retrouvait récitant des vers ou chantant des chœurs à travers bois. Le soir, accoudés à la table de l'auberge, nous nous livrions à d'orageuses discussions esthétiques qui se prolongeaient jusque passé minuit. Chez tous ces jeunes gens de 25 à 30 ans, si l'art était la pensée dominante, l'amour aussi tenait sa place et jetait une note discrète. À notre cénacle masculin, une femme se mêlait parfois. Une jolie personne, un peu énigmatique, à laquelle un demi-mystère ajoutait une séduction plus attirante. Elle habitait une sorte de villa à la lisière de la forêt. Elle était connue sous le nom de la comtesse Mina. Elle avait pour mari ou pour amant, on n'était pas bien fixé là-dessus, un certain comte Stepanovitch, un de ces grands seigneurs slaves très affinés, très épris de belles choses, qui se mêle d'art et de littérature en dilettante, avec une merveilleuse facilité d'assimilation et une irrémédiable médiocrité d'exécution. Ce comte Stepanovitch faisait un peu de peinture et un séjour de 6 mois à l'école l'avait mis en relation avec quelques-uns de nos amis. Pour le quart d'heure, il se trouvait absent, des affaires d'intérêt l'ayant rappelé en Serbie. Mais celle qui passait pour sa femme séjournait encore dans la maison où il avait installé son atelier. La comtesse Mina courait sur ses 24 ans. C'était une viennoise souple et câline, à la taille élancée, aux épaules tombantes. Une créature pâle aux traits délicats, avec des yeux gris limpides comme l'eau d'un lac et une magnifique chevelure blonde. Ajoutez à cela un esprit cultivé, une certaine grâce caressante et un joli timbre de voix. Il en eût fallu moins pour émouvoir nos cœurs, et nous étions tous, peu ou prou, amoureux d'elle. Tout en nous traitant en camarades, elle dispensait avec une égale mesure ses sourires à chacun de nous et savait allier une habile coquetterie à une prudente réserve. Elle nous accompagnait souvent en forêt, partageait notre enthousiasme et prenait part à nos discussions, mais n'autorisait personne à dépasser avec elle les limites d'un flirt très innocent. Le soir du 15 août, après dîner, il faisait un clair de lune qui transformait la forêt en un pays de féerie, et nous étions partis pour une promenade nocturne à travers les gorges d'Apremont. À la lisière du Babréau, nous fûmes rejoints par la comtesse. Je la vois encore, vêtue d'une robe de laine blanche, avec ses blonds cheveux défaits et moutonnant sur ses épaules. Il y avait peut-être une mise en scène un peu trop allemande et trop affectée dans cette toilette aux savantes négligences. mais cela s'harmonisait si bien, au clair de lune, avec la figure pâle et les luisants yeux gris de Mina, qu'aucun de nous n'y trouvait à dire. Nous suivions gaiement un sentier qui grimpait à travers les rochers, les genévriers et les pins. Dans les endroits où la sente s'élargissait, la comtesse allait de l'un à l'autre, échangeant un mot aimable avec tous. Son joli rire tintait limpide dans l'air embaumé d'odeurs résineuses, et c'était un délice de la voir glisser sur le sable ainsi qu'une apparition, tantôt illuminée par la clarté lunaire qui pleuvait du grêle feuillage des bouleaux, tantôt tout à fois immergée dans l'ombre où sa robe mettait de confuses blancheurs. Cette grâce féminine, dans ce décor forestier, par cette nuit de rêve, me faisait monter à la tête une capiteuse poésie, et je commençais à m'emballer sérieusement. J'étais pris d'un violent désir d'amour. J'aurais voulu entraîner Mina loin de nos amis et la serrer passionnément dans mes bras. Nous venions d'atteindre l'un des plateaux du désert d'Apremont. On y avait, sous la laiteuse clarté de la lune, un spectacle d'enchantement. Ça et là, un rayon faisait jaillir de l'ombre vaporeuse, tantôt les molles feuillées d'un hêtre, tantôt le blondissant échevellement d'un bouleau. Jusqu'à l'horizon couleur de perles, la forêt moutonnait dans une brume transparente et un religieux silence planait sur elle. Nous avions allumé entre deux roches un feu de branches mortes, dont la rougeur dansante éclairait fantastiquement les figures et découpait sur les rochers de fugitives silhouettes. Mina, qui s'était assise et tendait ses mains à la flamme, se leva tout à coup et chanta un lied de Schumann. Sa voix limpide se détachait nettement et s'envolait au-dessus des bois assoupis. L'étrangeté du paysage, l'élyséenne clarté qui le baignait et surtout le chant câlin de cette Lorelai aux cheveux épars, nous avaient tous plongés en une joyeuse ivresse. L'un de nous, arrachant des brindilles de chèvrefeuille, les tortillait dans la blonde chevelure de la chanteuse. Elle le laissait faire et riait, se sachant plus jolie encore sous cette couronne fleurie. Quant à moi, soulevé de terre, je vivais en pleine fantaisie shakespearienne. Je jetais des regards extasiés vers la blanche forme de Mina et je songeais, si je pouvais lui dire seulement à quel point elle m'a affolé. Et je le lui dis. Quand nous quittâmes le plateau, je manœuvrai si bien qu'elle accepta mon bras pour redescendre et que nous demeurâmes un peu en arrière des autres. Nous cheminions lentement sur le sentier de sable fin que zébraient çà et là des raies de lune. Je vis ses yeux étinceler dans la pénombre et lui murmurai le lied de Heine, qui commence ainsi. Du hast Diamanten und Perlen. Avec tes beaux yeux, tu m'as si fort blessé le cœur, tu m'as entraîné à ma perte. Ma chérie, que veux-tu de plus? Elle souriait câlinement, et notre commun amour pour la poésie de Henry Heine suscitait en nous une tendre familiarité. Je sentais sur mon visage la caresse de ses lumineuses prunelles, et sur mon bras la pression plus abandonnée de son bras. Je n'osais plus parler de peur de rompre le léger courant magnétique qui s'établissait. Je saisis sa main que la fraîcheur nocturne avait glacée et je la portai à mes lèvres sans qu'elle s'y opposât. Elle restait silencieuse, un peu oppressée. Devinant le mouvement précipité de son cœur, j'étais sur le point de m'enhardir et de la presser contre ma poitrine quand tout à coup, à une cinquantaine de pas en avant, un de nos amis, qui avait emporté un corps de chasse, sonna une éclatante fanfare. Et cette brutale sonnerie rappela la comtesse Mina à la réalité. Elle me serra brusquement la main et lâchant mon bras. « Assez de folie, » dit-elle avec son accent viennois, « oublions tout cela. » Quelques minutes après, elle avait rejoint le groupe où le malencontreux instrumentiste soufflait encore dans sa trompe et nous rentrâmes bruyamment à Barbizon. Le lendemain, j'appris qu'elle était partie. Rappelé sans doute par une lettre de son maître et seigneur. Moi-même, je regagnais Paris, et naturellement, ma fugitive passion d'une nuit d'été s'évanouit avec les circonstances exceptionnelles qu'il avait provoquées. Je ne me souvins plus de la blonde comtesse aux yeux gris, que comme d'une de ces belles étoiles filantes qui traversent un moment le ciel en août et disparaissent dans les vapeurs de l'horizon. Des années et des années passèrent. Bien longtemps après, à Nice, un soir d'opéra, je remarquai dans une loge qu'elle occupait seule une femme très élégamment mise et dont la figure absorba impérieusement mon attention. Ce pâle visage, avec des yeux avivés par le col et des cheveux d'un blond trop fauve, avait pour moi quelque chose de déjà vu. J'interrogeais un de mes voisins, très lancé dans la société cosmopolite, qui vient hiverner sur le littoral. « C'est, me répondit-il, la comtesse Stepanovitch. » Mon interlocuteur s'aperçut sans doute de mon étonnement ému, car il ajouta « Est-ce que vous connaissez son histoire ?» Et sur un signe négatif, il reprit « Il court sur elle d'assez méchants bruits. On prétend qu'elle a fait tuer en duel le comte Stepanovitch, son amant. On l'a rapporté chez elle mortellement blessée, et sans rien soupçonner, le pauvre, il l'a épousée in extremis. La société d'ici, qui n'est pourtant pas bégueule, l'a mise en quarantaine et personne ne la voit. » Je ne l'écoutais plus, et je n'entendais plus Lohengrin qu'on donnait ce soir-là. Mes yeux restaient fixés sur Mina, si esselée, si tristement vieillie sous ses cheveux teints et son maquillage. Le spectacle des loges et de la scène n'existait plus pour moi. Je revoyais la futaie du Babréau, le sentier sablonneux zébré par les rayons de lune, et la blanche comtesse aux yeux gris, aux cheveux blonds épars, chantant le lied de Heine « Du hast Diamanten und Perlen ». Des bouffées d'odeur résineuse me montaient au cerveau avec les lointains souvenirs de cette heure d'enchantement à travers les gorges d'Apremont, et de loin, j'envoyais un salut de commisération attendrie à cette solitaire beauté en ruine qui me rappelait la forêt et ma jeunesse. Ainsi s'achève la comtesse Mina par André Theuriet.